Vous écoutez la radio Isanganiro, merci de nous avoir choisis. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. Le Bureau burundais de normalisation et contrôle de la qualité a procédé ce jeudi à la fermeture de 3 stations-service à Bujumbura pour une période allant jusqu'à 6 mois. Raison, leurs pompes ont été déréglées pour voler les acheteurs de carburant. En commune et province de Bururi, une 60aine de domestiques ont été renvoyés dans leur province d'origine. Ils n'y retourneront qu'après avoir prouvé qu'ils ne sont pas poursuivis pour des cas de criminalité. Et puis la commission Vérité et Réconciliation dit ne pas avoir jusqu'ici le droit de trancher sur des conflits fonciers entre rapatriés et résidents, une émission jadis confiée à la Commission nationale des terres et autres biens. Trois stations-service, à savoir Base Fuel Energy du quartier industriel, Delta de Mutakura et Prestige Energy de Kinino, ont été fermées pour 3 à 6 mois ce jeudi par le Bureau burundais de normalisation et contrôle de la qualité, BBN en sigle. Cela pour des raisons de leur pompe déréglée. L'amende infligée a été multipliée par 20. Cela a eu lieu lors de la 3e visite du directeur général du BBN avec les journalistes ce jeudi en mairie de Bujumbura. Sévérance Naikengera indique que c'est dans l'objectif de lutter contre le vol opéré envers les acheteurs de carburant. Suivez. Quand nous avons lancé cette invitation, il y a eu des doléances, des lamentations, que aussi, même si le carburant est vraiment n'est pas très disponible, comme vous le savez, il y a eu des gens qui ont voulu quand même qu'on puisse intervenir aussi au niveau de la distribution du carburant. C'est pourquoi vous avez vu que nous avons visité quelques stations d'essence ou de mazout pour vérifier qu'effectivement la quantité donnée est conforme. Et la quantité est conforme, mais vous avez vu que ce n'est pas le cas. Et là, c'est un grand problème parce que vraiment je peux dire que c'est très dommage qu'une petite partie de la population, les commerçants, les pompistes, les possesseurs des stations d'essence veulent avoir beaucoup d'argent au profit de la population. On essaie de dérégler les pompes. Et comme vous l'avez vu, là où nous avons pu remarquer des anomalies, on a fermé ces pompes et je pense qu'on va prendre compte tenu du nombre de litres volés et je pense qu'on va fermer ces pompes et au moins quand je sais de regarder la marge qu'on a remarquée. N'est-ce pas? Je pense que le minimum de ces pompes qu'on a fermées, et je pense que ça sera 3 mois de fermeture jusqu'à 6 mois et l'amende va être multipliée par 20 pour essayer de découvrir ces gens en attendant l'ordonnance et qui va nous amener à l'achat de nouvelles pompes qui ne sont pas très facilement déréglables. Quand je dis que l'amende sera multipliée par 20, là, c'est dire que si la faute est commise et l'amende qui est irrorative est de 500 000, je pense qu'à ce moment-là, le possesseur de ces stations, il va payer 10 millions. C'est pour dissuader ces gens. Sinon, c'est un grand problème. 58 camions citernes transportant le carburant de type essence sont arrivés à Bujumbura ce jeudi. Le directeur général de la régie des eaux tranquillise que le problème du carburant va être résolu. Jean-Albert Manigoma explique que cette institution prévoit l'installation des stocks stratégiques pouvant assurer la livraison d'au moins 2 ou 3 mois afin de résoudre le problème du carburant. La régie des eaux, c'est une entreprise qui importe maintenant le carburant comme d'autres entreprises, comme Interpetrol, comme Bupep, comme Mogas, comme Delita. Au Burundi, on n'extrait pas du carburant, n'est-ce pas? Le carburant qu'on utilise ici, ça vient des pays de Golfe, des pays arabes. Ça vient voir Martin avec les bateaux. Et puis arriver à Dar es Salaam, on décharge, on met dans les camions jusqu'à ici au Burundi. Alors, s'il y a un problème, si un problème se manifeste au cours de la route, ce problème se manifeste même ici au Burundi. Alors, puisque maintenant nous n'avons pas de stock stratégique, ce problème, un problème logistique va se manifester au cours de la route à Dar es Salaam, là-bas où on importe le carburant. Ce problème se manifeste directement ici au Burundi. Alors, pour résoudre ce problème directement, il faut qu'on ait un stock stratégique ici au Burundi. La régie des eaux est en train de travailler sur ça. Donc, bientôt, je pense, on aura un stock stratégique d'au moins 2 ou 3 mois. Maintenant, nous avons du carburant. Hier, à la frontière, c'est passé. À peu près 48 camions ont traversé la frontière. Ils sont déjà arrivés ici au Burundi, surtout dans la gare routière. À Rubis aussi, on est en train de décharger et charger les camions. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de problème de carburant, même demain aussi, même dans les jours à venir, parce que nous avons vraiment une quantité suffisante côté Dar es Salaam, dans là où on importe, mais aussi au cours de la route. Mais pour résoudre directement le problème, comme je viens de le dire, il faut qu'on a un stock stratégique. Captez Issanganiro, écoutez la différence. La police de sécurité de roulage prévoit la mise en place des logiciels spécifiques pour acheminer directement les recettes à l'Office burundais des recettes. C'est dans le but d'éviter des malversations, comme l'a constaté Aimé Laurentine Kanyana, ombudsman burundais. C'était ce jeudi, lors d'une visite qu'elle a effectuée à cette institution policière. Elle y a également constaté d'autres cas, notamment des véhicules déprivés garés depuis longtemps, causant des pertes économiques énormes pour la société. Nous venons d'effectuer une visite et mener des échanges avec la police spéciale de roulage. Nous avons visité le bureau. On a constaté deux grands éléments. On a d'abord constaté qu'il y a beaucoup de véhicules de tout genre qui sont garés là-bas et qui sont dans un état déplorable. Ils nous ont informé qu'il s'agit des véhicules qui se trouvent là-bas parce que le parquet leur a demandé de les garder pour leur compte, mais c'est une situation qui y a pour effet un effet négatif sur l'économie des familles, l'économie du pays qui doit être. On doit trouver des solutions. L'autre problème qu'on a relevé, c'est le problème lié aux recettes qui sont perçues lorsqu'il y a des infractions qui sont commises contre le code routier. Nous avons constaté que la façon dont les recettes sont perçues laisse des doutes par rapport au cheminement de toutes les recettes dans les caisses de l'État. Heureusement, le responsable de la police spéciale de roulage nous a informé qu'il y a un logiciel qui va bientôt être développé pour trouver une solution durable à ce problème. Le problème des assurances qui ne règlent pas facilement les sinistres. Nous avons constaté que la population, lorsqu'il y a des sinistrés, des blessés qui sont acheminés à l'hôpital, il y a toujours la demande de caution qui est adressé en l'absence de celui qui a fait l'accident. En principe, l'assuré a le droit, un droit direct, de réclamer la réparation chez l'assureur. 60 ayants domestiques œuvrant dans certains des ménages de la commune et province de Bururi sont retournés dans leur province d'origine le matin de ce jeudi. Juvan Daïkeza, le chef de cabinet du gouverneur de cette province, dit que ces domestiques qui travaillaient sur les collines où on a observé ces derniers jours des cas de criminalité sont envoyés par l'administration pour aller chercher les documents attestant qu'ils ne seraient pas poursuivis pour de telles infractions. Zénon Zambimana. Tous ces 60 domestiques, dont 29 originaires de la province Gitega, 22 de Karusi, 5 de Kayanza, 3 de Mwaro et 1 pour chacune des provinces Gitega et Muramvya, étaient à bord d'un camion de la police en destination de leur province d'origine. Ils ont été embarqués le matin de ce jeudi. C'était au commissariat provincial de la police à Bururi. Juvan Daïkeza, chef de cabinet du gouverneur de la province de Bururi qui était sur place, nous a indiqué que tous ces domestiques travaillaient sur les différentes collines de la commune et province de Bururi où on a observé ces derniers jours des cas de criminalité perpétrés par des hommes armés de machettes et ces domestiques avaient été arrêtés pour réseau d'enquête et sont aujourd'hui relâchés. Mais l'administration provinciale a pris la mesure de les transporter jusque dans leur province natale pour chercher les documents attestant qu'ils sont reconnus par l'administration de chez eux et qu'ils ne sont pas poursuivis par la justice pour des différentes infractions comme la criminalité. Des documents qui seront désormais exigés à tous les domestiques œuvrant dans la province de Bururi, selon toujours Juvan Daïkeza, dans le but de contrôler le mouvement de ces domestiques. Depuis Bururi, Zénon Zabimara pour la radio Isanganiro. La commission Vérité et Réconciliation, CVR en sigle, annonce qu'elle n'a pas encore eu le droit de travailler sur les conflits fonciers entre rapatriés et résidents. C'était suite aux questions posées au cours de la conférence de ce mercredi que cette commission a animée à l'intention de la population de la province Makamba. Cette commission a promis à la population qu'elle va transmettre le rapport aux institutions habilitées, indiquant aussi que ceux qui ont des problèmes relatifs à ce genre de conflit puissent saisir les tribunaux ordinaires. La plupart des questions posées par les habitants au cours de cette conférence de ce mercredi, animée par la Commission Vérité et Réconciliation, CVR en sigle, en province de Makamba, comptaient sur les conflits fonciers. Ces habitants ont montré qu'ils n'ont pas été satisfaits par la Commission nationale des terres et autres biens, CNTB, et ont insisté que leurs biens leur soient remis. Le président de la CVR, ambassadeur Pierre Claver Ndaïcharié, a indiqué que cette commission n'a pas encore eu le droit de travailler sur ces conflits et qu'on ne sait pas quand maintenant si c'est cette commission qui va s'occuper de cette activité. En attendant la décision que va prendre l'État burundais, Léa Pascal Sizigamasabo, la secrétaire générale de cette commission, a fait savoir que ceux qui ont des conflits fonciers puissent saisir les tribunaux d'instance s'ils ont leurs preuves, puisque la loi ne leur donne pas l'accès aux rapports faits par cette commission. Signalons que les activités de la CNTB, une commission qui aidait dans la résolution des litiges liés aux terres et autres biens, ont pris fin il y a déjà une année, au moment où, selon le gouverneur François Nzengozirazana, il s'observe encore dans la province de Makamba pas mal de conflits fonciers entre les rapatriés et les résidents. Depuis Makamba, Élisée Kwizera, Radio Isanganiro. L'agence routière du Burundi, ARB, tranquillise les habitants de la localité de Nyabiyogwa et ses environs. Nous sommes dans la zone Mouira de la commune Kanyosha, en province de Bujumbura, qui utilise la route Afrida que cette agence compte tout faire pour que le trafic continue sur cette route sur laquelle un pont est en cours de réhabilitation, mais qui présente déjà des fissures. Le directeur de cette agence le dit après que les habitants de la place aient déploré le fait que ce pont est déjà sous menace de destruction. Ingénieur Sylvestre Sanzelugese annonce cependant que ces enquêtes sont déjà en cours pour connaître les vraies causes de la destruction de ce pont avant la fin des travaux. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi et gardez l'écoute. Nos programmes continuent sur Isanganiro.